بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سندخل في المسألة الثانية وسبعين. On a sauté certaines مسائل qui étaient un peu dures à expliquer. Donc on s'en passera, Inch'Allah. Et les arabophones peuvent revenir directement au document pour le lire. S'ils veulent, essayer de comprendre de même. فَقَالِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْرِبُوا مِيَتَيْنَ. Dans le sens où Allah dit que s'il y a parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Il y a parmi les ennemis. Surat al-Anfal, verset 65. Donc là, c'est une masala qui est très simple, très courte et très connue. C'est une abrogation, comme cela va apparaître. Quand le zahiru, هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة عشرة من الكفار. وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. Donc, ce verset, dans son apparent, fait comprendre que le musulman, un seul musulman, tout seul, doit faire face et ne pas fuir devant 10 de ses ennemis parmi les kuffars. Lors des combats, si jamais ces combats ont lieu. Et par la suite, Allah cite une chose qui s'oppose à cela. Lorsqu'il dit, s'il y a parmi vous 100 endurants, ils vaincront 200. Surat al-Anfal, le même verset qui est le verset 66, plutôt le verset d'après. Non. Donc au début, 1 pour 10 et à la fin, c'est 1 pour 2. والجواب عن هذا أن الأول منسوخ بالثاني كما دل عليه قوله تعالى الآن خفف الله عنكم والعلم عند الله تعالى. Donc la réponse est tout simplement que le premier verset qui dit que un peut combattre 10 est abrogé par celui qui dit que un doit combattre 2. Lorsque Allah dans le sens il dit que Allah est maintenant a allégé sur vous, vous a allégé, on dira comme ça. Car il a su, allez ma fikum darfa. Que Allah il a su qu'il y a une faiblesse en vous, donc il vous a allégé. Dans cela, ce qui fait qu'après cela, un musulman doit combattre deux ennemis. Surat al-Anfal, verset 66. Donc, comme l'avait dit le Shir par rapport à cela, que lors d'un combat, légiféré, comme il se doit, le musulman, si jamais il a affaire au double en nombre d'ennemis, il ne doit pas fuir. Il n'a pas le droit de fuir. Et si jamais ils sont plus que cela, si jamais ils fuient, cela n'est pas interdit pour lui. Cela n'est pas interdit pour lui. Ça, c'est une règle générale. Après, il y a des temps faciles, des exceptions qui viennent par rapport à cela. Naam. Wa bihadha al-qadna aktafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.